S'anime les fées, je vois rejaillir le soleil qui dans cette ville m'a tant manqué. La chaleur douce de l'absinthe entre mon veille à raviver la fresque bien trop vite repeinte d'un pays que j'ai dû quitter. Souffrant des affres du remords, je vois que s'anime les fées, le temps d'un soubresaut s'endort et la vie de recommencer. Les odeurs lentes m'en renaissent, figeant de force ma volonté, sentir ma mémoire qui caresse des paysages en crevés. Lorsqu'enfin s'anime les fées, lorsqu'enfin s'anime les fées, les images tournent et tournent encore et toujours s'anime les fées, finissent par ternir les décors. Je n'arrive plus à me contrôler, la rage s'empare de ma tristesse, de tout avoir abandonné. Mon corps où je sens la faiblesse ne peut s'arrêter de trembler. Je vois que s'anime les fées et toujours s'anime. S'arrêter de trembler.